Éclat de lumière sur Fadjet. Les températures commencent à se refroidir et les jours à raccourcir. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de jazz, de groove et de rock, puisqu'on va parler, vous l'aurez compris et on vous l'avait annoncé lors de la dernière émission, du Nancy Jazz Pulsation qui va commencer à animer la ville de Nancy en ce début octobre. Je suis Victor du journal donc Lumière en Art et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission donc Éclat de Lumière spéciale NJP du mois d'octobre. Avec moi pour cette émission exceptionnelle, j'ai donc deux invités à mes côtés afin de parler pendant une heure à cette table de musique. Tout d'abord, un très bon ami à moi que je connais depuis plusieurs années maintenant, qui est par ailleurs un très grand amateur de musique et qui m'a un petit peu initié aussi à ce que c'est la musique aujourd'hui. Bonjour Pierre Saint-Georges. Bonjour Victor. Ravi de t'avoir à mes côtés et évidemment donc on vous l'avait annoncé lors de la dernière émission que j'avais fait donc avec Gilles, président de Lumière en Art. Nous avons avec nous donc Yves Colombin, président du NJP. Bonjour Yves. Bonjour Victor. Ravi de vous accueillir tous les deux donc à ce micro pour parler pendant une heure de ce qui va constituer l'événement musical majeur de ce mois-ci donc en Lorraine, à savoir donc le Nancy Jazz Pulsation, qui est donc la grande émission de l'automne donc qui se déroule durant la première quinzaine d'octobre dans divers lieux à Nancy. On va vous redonner tous les détails durant cette émission. Avant de passer donc à la présentation traditionnelle, j'ai envie de dire maintenant de nos invités, je vous reprécise que vous pouvez retrouver l'émission de radio donc Éclat de Lumière en podcast sur le site de Fadjet donc, mais également donc vous pourrez retrouver cette émission sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit les pages Facebook de Lumière en Art, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, mais aussi sur l'Instagram de Lumière en Art, et dorénavant vous savez que nous avons donc aussi un TikTok. Et je n'oublie pas le site, hein, à savoir donc www.lumièreenart, qui met les actualités donc, de Lumière, où vous pourrez retrouver donc l'enregistrement de cette dernière émission. On va commencer donc immédiatement cette émission par un premier petit concept, hein, à savoir donc celui que j'ai appelé le spectre des invités, pour les connaître un petit peu mieux et pour que vous, auditeurs de Fadjet, appreniez finalement à les connaître. C'est l'interview spectre. On va commencer donc cette interview avec Pierre. Alors Pierre, très simplement, est-ce que tu peux nous donner prénom, nom ? Pierre Saint-Georges. Profession ? Je suis bibliothécaire. Bibliothécaire, un très beau métier. J'aurais pu être bibliothécaire. Et alors, j'aimerais connaître un petit peu, rapidement, quelques phrases, ta relation. Alors je sais que c'est une grande histoire, mais ta relation un petit peu à la musique. Comment ça t'est venu ? En quelques phrases. En quelques phrases, il faut que je me remercie la vie de m'être cassé le genou. Tout simplement. J'avais pas beaucoup d'occupations et j'ai commencé à me plonger sérieusement dans la musique. C'est à cette période-là que j'ai commencé à vraiment jouer avec la guitare aussi. Et depuis, j'ai jamais vraiment décroché. Si bien qu'aujourd'hui, j'en ai fait aussi quelque part mon métier, du coup, puisque je suis précisément discothécaire. Je travaille pour une médiathèque, mais je m'occupe de la section musique de la bibliothèque pour laquelle je travaille. Donc voilà, c'est aujourd'hui presque quelque chose qui est devenu quotidien, la musique. Et alors, on va commencer aussi avec notre autre invité. Nom, prénom. Alors, nom, prénom, Yves Colombin. Profession. Directeur de MJC, je dirige la MJC Lillebonne à Nancy. Mais là, aujourd'hui, je suis présent en qualité de président du Nancy Jazz Pulsation. Et alors, même question. Comment c'est arrivé ? Est-ce que c'est venu à la fois cette direction donc, du NJP et puis un petit peu la relation à la musique, les styles, etc. Oui, alors la direction, non, hein, je suis président. Président, oui, pardon, ouais, je me trompe à chaque fois. Voilà, le NJP, c'est une association, oui, comme oui, bien sûr. Beaucoup d'organisations culturelles comme ça, donc c'est une association. À sa tête, il y a un conseil d'administration et puis à la tête du conseil d'administration, il y a un président. Donc moi, je suis président, ce qui est une fonction bénévole. Mon métier, donc, c'est directeur de MJC que j'exerce encore, donc. Et la musique, moi j'ai commencé assez jeune aussi, puisque j'ai commencé par des études de trombone à coulisses au conservatoire à Nancy. Ok. Voilà, ce qui m'a amené pendant un certain nombre d'années à être musicien, donc dans différents groupes, notamment une fanfare de Reims qui s'appelait Six Cylindres en V, Et d'ailleurs, qui a donné un concert, enfin plusieurs concerts dans le cadre du NJP, notamment dans les quartiers musique, qui sont donc des opérations dans les quartiers qui sont organisées par le NJP tout au long de l'année, et puis aussi pendant le festival, enfin en tout cas à l'époque. Et puis bon, bah, les circonstances ont fait que je me suis intéressé aux Maisons des Jeunes de la Culture. Bon, après un passage par un foyer de domicile fixe pour lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis je suis rentré un peu par la petite porte dans les MJC, d'abord dans un secteur rural en Moselle, où il s'agissait de programmer d'ailleurs pas mal d'événements culturels. Puis j'ai intégré le centre de formation qui se trouvait à Rennes à l'époque, et voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être un peu préciser aussi vos goûts musicaux à tous les deux, parce qu'on va les développer durant cette émission, parce que chacun va parler un petit peu de ce qu'il aime dans cette programmation, des concerts à ne pas manquer, des différents lieux. Alors, allons-y. Qui veut commencer? Pierre, Yves, peu importe. Je commence. Allez-y. Allez-y. Pour ma part, j'ai des goûts vraiment très très éclectiques en fait. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans la musique, c'est le côté qu'elle peut avoir d'organique, le côté qui parle avant tout au cœur plutôt qu'à l'intellect, même si j'aime aussi des musiques un peu compliquées, notamment en jazz, hein, il y a quand même des fois des musiques qui demandent un petit peu d'initiation avant de pouvoir être pleinement appréciées, mais j'aime quand même bien les musiques qui délivrent une émotion assez brute. Donc ça va du rock progressif allemand, en passant par le rap, mais le rap relativement classique, hein, j'ai dit, je crois qu'on avait déjà on un a petit discuté peu un petit peu, ouais, moi, c'est ça. Je me suis un peu arrêté à Dr. Dre, et Snoopy Dogg, etc. Bon, c'est un peu le summum, hein, c'est quand même... ouais, c'est très bien. Mais ça fait quand même quelques années, quoi. En passant par la chanson française, bien entendu, Bachon, Arnaud pour les Belges, et puis des choses beaucoup plus rock, qu'est-ce qui me viendrait? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là maintenant, mais on en parlera après. Mais oui, voilà, bien sûr, on va revenir sur... Et puis même aussi des choses classiques. Ce qui est plutôt pas mal, parce que la programmation du NJP est quand même une programmation qui est assez éclectique. Hein. Il y a énormément de groupes différents, de styles et de lieux. Je crois que c'est un des objectifs du festival, effectivement, oui, d'amener bien entendu du jazz, parce qu'il y a toujours une grande polémique. Mais est-ce qu'il y a du jazz à NJP? Oui, il y a du jazz à NJP. Bien sûr. Très belle chose, notamment cette année. Hein. On en discutera après. Il y a quelques beaux concerts, ouais. Mais bon, voilà, mais il n'y a pas que ça. Et puis, je crois que le NJP s'est toujours ingénié, en fait, à provoquer un petit peu le public, ce qui fait qu'il y a des soirées au chapiteau où parfois il y a un grand écart en fait, hein, de styles musicaux. Oui, et c'est ça qui est d'ailleurs très bien. Moi, l'année dernière, j'ai souvenir notamment d'une soirée au Nancy Jazz Pulsation, on a fait un petit peu plus de pop, et puis après on est passé dans le rock avec les Stranglers, qui était quand même une des sacrées grosses affiches qu'on avait l'année dernière, mais on va en reparler. Et Pierre, alors, quel goût musicaux de ce côté? J'écoute énormément de choses, j'ai un peu la même approche musicale que vous, c'est-à-dire que j'ai tendance à privilégier des choses qui vont aller un peu plus vers le cœur, quelque chose, une émotion brute plutôt que des choses très techniques, même si comme vous je suis un très grand fan de rock progressif et de choses plus ou moins techniques. Mais moi, mon noyau musical, il vient des musiques extrêmes. J'ai beaucoup du rock, du métal, etc. Et je me suis dirigé ensuite vers l'adolescence. J'ai commencé à écouter beaucoup d'électro, beaucoup de jazz, beaucoup de blues surtout. Et pour retracer un petit peu justement toutes les ramifications de ce que j'ai pu écouter avant, quoi. Donc mais mon spectre musical est assez large aussi. J'aime bien dire que ça va de Taylor Swift à Cannibal Corpse, quoi. L'écart est grand. L'écart est grand. Il est réel, il est intéressant. Puis il est réel surtout. Oui, c'est vrai. J'aime bien Taylor Swift et j'aime bien Cannibal Corpse, donc. C'est vrai. Mais je pense écouter qu'à trois, on va pouvoir assez largement évoquer cette belle programmation du Nancy Jazz Pulsation. On va commencer par se mettre un petit morceau d'une des grandes têtes d'affiche de cette année, à savoir donc Mort Chiba, We Live and Die, et puis on se retrouve tout de suite après sur Radio Fadjet afin donc de discuter un petit peu tous ensemble de la programmation du NJP. À tout de suite. We'll be right back. De retour sur Fadjet, vous êtes donc en compagnie de Pierre Saint-Georges et de Yves Colombin dans l'émission Éclat de Lumière qui sont là donc pour vous parler pendant une heure de la programmation du NJP de cette édition 2025 et vous venez d'entendre l'un des groupes qui est finalement quand même un des événements cette année, à savoir donc le groupe Morcheeba. On va commencer avant de parler rapidement donc de la programmation. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur cette affiche. Est-ce que Yves, vous pouvez nous parler un petit peu donc de cette affiche, comment elle est née? Parce qu'on sait que chaque année, le visuel pour le NJP est quand même très important et celui de cette 52e édition est particulièrement réussi. Bah oui, c'est sûr que le visuel, c'est vraiment important parce que ça doit faire partie aussi du projet du festival que d'avoir des affiches qui s'inscrivent un peu dans la vie de la ville, en lien donc avec les événements qui peuvent se passer à Nancy. Et puis il se trouve donc que ben, c'était le centenaire cette année hein, de l'Art déco à Nancy. Oui. Et donc l'affiche, c'est un clin d'œil, enfin l'affiche, les affiches, puisqu'il y en a toute une déclinaison. Hein. Oui. C'est forcément un clin d'œil à ce mouvement. Et en fait, l'agence qui s'appelle, l'atelier qui s'appelle Minuit Studio, qui est à Rennes, a vraiment choisi de mettre en avant les instruments de musique, en fait, et de les transformer en, de façon monumentale. Donc avec, en partant des standards de l'art déco, donc les lignes droites, les courbes, tout ce qui est géométrique assez épuré, et puis aussi des perspectives comme ça vraiment très impressionnantes. Et c'est vrai que l'affiche en elle-même, les Nancéens, mais je crois que c'était pas l'intention initiale du Mini Studio, les Nancéens, enfin je sais pas vous, mais on y voit la tourtière hein, de ce piano. Totalement, ouais, bien sûr, totalement. C'est la tourtière, mais c'était pas voulu au départ. Ah, c'était pas voulu? Eh ben non. Eh d'accord. Ben non, c'était pas voulu au départ, et okay. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Bon, et donc c'est sûr que cette déclinaison là, elle s'est tout de suite imposée comme étant l'affiche du festival. Donc c'est les instruments en centre, et puis clin d'œil à l'art déco. Oui, bah, l'art déco que bah, si vous venez au NJP, vous pourrez retrouver, parce que finalement c'était vraiment une année très particulière, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'expositions autour de ça. Mais ça veut dire que du coup il y avait plusieurs possibilités d'affiches au départ, c'était pas celle-ci qui s'est imposée, c'est ça? Alors, si, immédiatement. Oui, immédiatement. D'accord. Mais simplement elle est déclinée, hein, puisque le Nancy Jazz Tour, c'est un violon, etc. Donc en fonction de tous les chapitres d'accord. du festival. Mais c'est celle-ci fois, qui était la, ouais, c'est la première. Était, ouais. Ok, d'accord. Très bien. Bah, c'est bien pour l'anecdote, surtout de savoir que c'était pas la tourtière à la base. Et alors, on vient donc d'écouter un premier morceau dans cette émission, une playlist qui a été notamment donc, concoctée par Yves. Ici, on a vu un petit peu ça ensemble. Et donc, ce premier groupe, c'est Morcheeba. Alors, c'est quand même un groupe assez important. Comment on en vient finalement à avoir un groupe pareil sur le line-up? Comment cela s'impose finalement au Nancy Jazz Pulsation? Alors ça, je peux pas vous dire, puisque c'est pas le président qui fait la programmation ouais. hein, du festival. Voilà, mais toujours est-il que moi, quand j'apprends que Morcheeba est effectivement annoncé et puis que ça se précise et que ça se confirme, bah oui, on peut être que se dire, chouette, voilà, ça va être quelque chose de bien sous le chapiteau en plus, le chapiteau qui est à la fois une structure un peu compliquée parfois en termes de sonorisation, mais par contre qui est une structure qui a un vrai beau rapport au public. Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas être à 3 km, on sait qu'on va voir les artistes, si on veut les voir de près, on peut les voir de près. Et Morcheeba, je pense, dans cette configuration-là, ça va être quelque chose de bien. Et puis notamment, donc, dans la même soirée, enchaîner donc Casse Product, donc voilà. C'est vrai que c'est le retour de Casse Product. Les Nancéens, oui. Bon, 39 ans après le dernier album, c'est... Ouais, on aura une pensée donc, pour le Spatz. Hein, bien sûr, voilà, bien sûr. Mais par contre, on est vraiment content de voir Mona Soyok. Et puis ensuite, les Minanas, pareil, moi je les ai vus à Bourges en concert. Et bon, si c'est la même formation et le même format, ça va vraiment envoyer. Et Pierre, un petit peu, quelle est ta relation avec justement cette groupe et cette soirée qui, moi, m'a tout de suite sauté aux yeux quand Morcheeba, on a vu c'est un très très gros nom de la trip-hop anglaise. Hein. C'est, moi, j'étais ravi de voir du coup que c'était programmé, qui plus est, pour venir défendre un nouvel album là, qui est sorti cette année et qui est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc ouais, c'est de voir des noms aussi, mais il n'y a pas que hein, d'ailleurs, on reparlera de Dee Bridgewater et de d'autres noms, mais il y a vraiment des noms assez exceptionnels, et Morcheeba effectivement en fait partie. Et effectivement, Limianas, du coup, je ne sais pas trop sur quelle config ils viendront, Limianas qui a un excellent groupe aussi. J'ai pas trop écouté le dernier album, par contre j'ai vu un peu passer les thématiques, du coup il a vocation à rendre un petit peu hommage à des actrices d'Hollywood un peu oubliées. Et okay, ouais. Donc du coup s'ils allient ça, je sais pas s'ils vont prévoir de la projection ou quoi que ce soit, mais voilà, s'il y a tout un travail autour du son et de l'image, ça peut être vraiment, vraiment exceptionnel aussi. Bah oui. Puis c'est lié aussi beaucoup donc à cette scène. On parlait du rapport au public, mais le Chapiteau, c'est quand même un lieu qui est aussi assez... moi, j'ai envie de dire, pour y avoir été quand même un certain nombre de fois en concert, qui fait presque intimiste comparé au groupe. On a quand même l'impression d'être vraiment avec eux sur scène, alors que c'est vraiment des groupes assez... qui sont parfois quand même des groupes très connus, quoi. Et on a l'impression qu'on est juste en face d'eux et que presque on discute avec eux à travers la musique. Je pense que c'est l'une des volontés. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que ce site de la pépinière, il est magique. C'est-à-dire avoir la possibilité d'installer là, pour un moment éphémère, une vraie salle de spectacle avec tout ce qui va autour en termes d'accueil, tout ce qui est convivialité, bar, restauration, c'est quand même une chance. Et puis, voir même quand il fait beau que le chapiteau est ouvert, ce que j'espère, il sera quasiment tous les soirs, pas comme cette semaine. Mieux qu'aujourd'hui quand on enregistre l'émission, ça c'est sûr. On voit les arbres, etc. Donc c'est du plein air, mais c'est pas du plein air, donc c'est vraiment chouette. Oui, c'est ça l'idée, c'est qu'on est un peu en plein air, mais pas non plus totalement en plein air. Autre gros nom de cette édition, Chili Gonzalez, quand même, qui est quand même un grand nom cette année qu'on va avoir au NJP. Alors, qui fête cette année les 20 ans de piano solo, si je dis pas de bêtises. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un concert pareil, d'un concert comme d'une personne comme Chili Gonzalez? Je pense qu'il faut faire confiance à son grain de folie, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. On l'avait vu à la salle Poirel, avait étonné tout le monde en traversant la salle, en passant au-dessus des fauteuils. Il était en pantoufles et il a traversé la salle en marchant sur les dossiers. De mémoire, donc je sais pas ce qu'il pourra faire au chapiteau. Sous le chapiteau, ouais. On va lui faire confiance, hein, je pense. Monter sur les arbres ou quoi, arriver sur la scène par le haut ou quoi que ce soit. Alors, on a parlé un petit peu donc de ce chapiteau, mais il n'y a pas que ce lieu-là. C'est le NJP, donc c'est un festival qui se déroule un petit peu dans toute la ville. Alors, est-ce qu'on va pouvoir un petit peu évoquer aussi quels autres grands lieux de rendez-vous donc au NJP à part donc le chapiteau? Déjà, le premier lieu de rendez-vous, c'est les bars. Oui. Parce que ça commence là. Et souvent, la musique, c'est quand même dans les bars aussi que ça se passe. En tout cas, il faudrait que ça se passe. Le Jazz Poursuite, bien entendu, premier rendez-vous, hein, le samedi 4 octobre. Et alors après, pour les lieux un petit peu plus institutionnels, voire prestigieux, il y a l'Opéra, la Salle Poirel, et puis la Manufacture. Pour les grands lieux, quoi. Donc... C'est-à-dire que donc on aura donc vraiment des concerts qui se feront dans toute la ville, et c'est ça qui fait le charme, parce que on peut rejoindre le chapiteau en début fin de soirée, mais on a aussi d'autres lieux où est-ce qu'on peut se rendre au fur et à mesure de la journée pour découvrir aussi différents styles. Je sais pas, Pierre, toi, quelle est ta relation à tous ces lieux-là, à tes précédents NJP ou quoi que ce soit? Moi, j'ai fait un concert, je crois, au Chapiteau il y a quelques années, et j'ai moi c'est surtout les concerts à l'Autocanal beaucoup. Ah oui, l'Autocanal, j'avais oublié de parler. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Autocanal. Il y a deux soirées à l'Autocanal, et après c'est vrai que j'avais fait là pour le coup plus quand j'étais étudiant, parce que j'étais sur place. je faisais beaucoup justement les soirées au Magic, c'est ça, ouais. Et les soirées un peu aussi dans les bars, etc., un peu partout. Et j'ai vu des trucs exceptionnels toutes ces années-là, du coup, sur ces moments-là. Et effectivement, ça, j'aime beaucoup ce parti pris de proposer aussi des concerts justement dans des lieux qui ne sont pas institutionnels. Parce que généralement, c'est des concerts qui sont gratuits. Oui. Et puis, moi, c'est que la gratuité de la culture, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je pense. Je trouve ça chouette de pouvoir proposer aussi ces concerts-là, parce qu'il y a des choses exceptionnelles qui peuvent passer. Oui, il y a des apéros jazz en plus. Les apéros jazz, j'ai oublié d'en parler. C'était les apéros jazz, le mot. Hein. Effectivement. En plus du Poursuite, ouais. Ouais. Donc, vraiment beaucoup d'événements différents. On parlait de l'Autocanal, mais donc il y a quand même une soirée qui te tient particulièrement à cœur. Je crois qu'elle se déroule à l'Autocanal, non, si je dis pas de bêtises, la fameuse soirée rock metal. Je suis ravi que vous ayez programmé Imperial Triumphant. Alors c'est pas pour toutes les oreilles, on est bien d'accord. d'accord là-dessus. Igor non plus. Après, c'est ce que on disait en off avec Victor, c'est que autant Igor et Master Boot Records, c'est des noms là qu'on voit de plus en plus passer sur le territoire français. Grosse tournée Igor, ouais. Là, Imperial Triumphant, c'est un groupe new-yorkais. Du coup, pour parler un petit peu d'eux, donc groupe new-yorkais qui est aussi bien jazz que death metal, aussi bien influencé par Miles Davis que par Morbid Angel. c'est un melting pot vraiment de ces deux univers musicaux qui, de prime abord, n'ont pas grand-chose à voir. Et je trouve que justement, ça incarne un peu l'essence presque du festival à eux tout seuls, dans le sens où il y a ce truc de dualité. Voilà, ouais, qui est très très forte. En plus de ça, ils ont une esthétique qui est très orientée art déco. C'est pile poil dans le thème, on est vraiment là-dedans. Et ouais, ça fait partie des soirées auxquelles je serai, parce que j'ai pas eu l'occasion de les voir. Ils étaient passés il y a un an et demi au Gueulard à Nivange. Et j'avais pas pu y aller parce que ça me faisait vraiment très loin à ce moment-là. Mais donc très très heureux de pouvoir découvrir Imperial Triumphant. Et de voir un peu à quoi ça va ressembler en live. Ouais, moi je pense que c'est l'une des soirées qui promet d'avoir le plus de surprises, avec peut-être aussi Chili Gonzalez, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir de grosses surprises. Mais alors, on en discutait un petit peu là lorsque tout le monde est arrivé. Nancy Jazz Pulsation, souvent on dit il n'y a pas de jazz ou pas assez. Cette année, je trouve que c'est quand même particulièrement faux, avec une programmation qui est quand même très importante au niveau du jazz. Moi, j'ai noté personnellement Avishai Cohen, parce que je me suis pris le dernier album quand il est sorti, et je le trouve absolument fabuleux à écouter en toute situation, quoi. Dire, à la fois pour travailler, pour se détendre, même si on a envie de se concentrer ou quoi. Et c'est vraiment un groupe très important, mais il n'y a pas que. Alors, quelles sont un petit peu vos recommandations dans le domaine du jazz à tous les deux ici, si vous voulez en parler, peu importe qui. Théo Crocker, par exemple, ouais. Ce trompettiste là, voilà. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi, on parlait donc des goûts musicaux. Étant tromboniste, on est assez attiré par les instruments avant. Je suis attiré par les instruments avant. Donc Théo Crocker, c'est à la Manufacture, J'allais demander où est-ce que c'était et quand est-ce que c'était. Et puis aussi, comme je suis assez curieux, puisque vous savez que Rhoda Scott, a annulé sa tournée, en fait. Donc, elle ne sera pas là le lundi 8, mais elle est remplacée par China Mosey, qui est la fille de Didi Bridgewater. Et puis, c'est pareil. Donc, moi, je ne connaissais pas, mais depuis, je m'y suis un peu intéressé. C'est une voix assez incroyable. Et puis, une énergie sur scène qui a l'air tout à fait... vraiment intéressante. Ça, Salle Poirel, je pense que ça peut être, avec vraiment bien. Avec l'acoustique de la Salle Poirel, ça peut faire vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et Pierre, alors Moi, il y a Delvon Lamar. Delvon Lamar qui est en trio, du coup, organ trio, ça va être exceptionnel. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Delvon Lamar, je les invite vraiment à aller voir sur YouTube la session KEXP, session live KEXP qui est juste folle de groove. C'est de la musique qui met le sourire tout le temps. C'est très solaire. Et pour le coup, qui est aussi hyper technique. Mais voilà, ils n'ont pas oublié dans la technique d'avoir le groove et d'avoir le truc qui permet d'attraper les gens, en tout cas, et de les garder surtout. Donc Devon Lamar, ça va être très très cool. Et un peu comme toi, Fisher Cohen, du coup, qui va vraiment être superbe. Apparemment sont des bêtes de scène. Apparemment, ça marche très très bien sur scène, ça sonne très très bien. Et pour un côté un peu local, on en parlait par exemple en off, Valérie Gracher et Pierre Roux, bien sûr, avec leur projet Source Team, projet complètement local, et l'album est super d'ailleurs, à écouter Source Team. Alors ça, pour la petite histoire, je crois que c'était un coup de cœur de Tito. L'ancien président, bien sûr. Grand ami de Gilles, que vous avez déjà entendu à ce micro, complètement. Mais au niveau du jazz, moi je trouve que la programmation est particulièrement belle cette année, et qu'on aura notamment particulièrement le choix. Je pensais également aussi, la même soirée, je crois qu'il y a Émile Parisien et c'est très bien. Moi, ça, pour le coup, j'en écoute aussi énormément, et je vous recommande notamment leur dernier album, qui est une petite pépite. On va poursuivre la discussion dans quelques instants autour de cette programmation du Nancy Jazz Pulsation. Il y a encore plusieurs groupes, plusieurs soirées desquelles on n'a pas forcément parlé. Alors je vais juste vous passer un petit morceau, un morceau de Salif Keita qui sera présent aussi. Est-ce que vous voulez dire deux mots, si jamais? Salif Keita, il faut écouter, voilà. C'est quelqu'un, ça fait vraiment plaisir. C'est une musique qui fait vraiment plaisir dans ces moments d'incertitude, dans ces moments compliqués où on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. C'est vraiment une musique qui à la fois appelle à être un peu paisible, mais qui en même temps gagne une espèce de. On se dit on reste quand même mobilisé. On est à la fois détendu, mais en même temps on peut agir. Exactement. Et ça sera, ça apportera un petit peu d'optimisme dans cette, comme je le disais en introduction, dans cette, de ce début d'automne un petit peu morose. On se retrouve donc tout de suite. C'est Chéri de Salif Keita. On se retrouve tout de suite pour l'émission Éclat de lumière sur Fadjet. Fadjet, on est donc ensemble pendant encore un petit peu plus d'une demi-heure pour évoquer le Nancy Jazz Pulsation avec mes invités, donc Pierre Saint-Georges et Yves Colombin. On va poursuivre un petit peu notre découverte du programme et en discutant un petit peu pendant la pause musicale, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne vous a toujours pas donné les dates du Nancy Jazz Pulsation qui se tiendra donc cette année du 4 au 18 octobre sur deux semaines et donc les différents lieux. En revanche, on les a évoqués hein, à Nancy, que ça soit donc le chapiteau de la pépinière, mais aussi donc des lieux comme l'opéra, la salle Poirel ou encore donc la manufacture. Et il y a un événement duquel on n'a pas encore parlé, c'est l'événement pépinière en fait, Yves. Ben oui, c'est une journée auquel le festival est très attaché. Donc c'est la pépinière, c'est toute une journée, c'est gratuit, il fera beau forcément. Et donc, du coup, c'est une occasion pour les gens de flâner et puis d'aller écouter différents concerts, à la fois sous le chapiteau, sous le Magic, mais aussi dans les allées de la pépinière. C'est aussi la journée où il y a des concerts qui sont issus des quartiers musique. Les quartiers musique, c'est les opérations que le NJP mène tout au long de l'année, donc avec des jeunes dans les quartiers et des musiciens. Et donc, du coup, c'est à la pépinière, en fait, que le produit de l'année est présenté au public. Donc voilà, c'est toujours un moment sympathique et familial. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date à laquelle cela se tient ? Ça, c'est le dimanche 12. Le dimanche 12, ok. Donc on sera en plein milieu des festivités du Nancy Jazz Pulsation. Donc ne manquez pas ce rendez-vous qui est quand même un incontournable depuis toutes ces années, donc du Nancy Jazz Pulsation. Et puis notamment, il y aura au Magic les Celtic Trumps. Ok. Donc groupe nancéen, donc qui est formé de fines épées musicales de Nancéens et que moi personnellement j'avais jamais vu sur Nancy encore. Une musique traditionnelle folklorique et avec des musiciens qui viennent de différents horizons malgré tout, et bon, c'est une musique à mettre l'ambiance en fait, à la fête, une musique de fête. Parce que ce sera évidemment donc la fête pendant ces 15 jours. Il y a donc encore quelques artistes qu'on n'a pas évoqués, et je vais prendre un petit peu la parole pour évoquer un petit peu aussi le rap, parce que c'est quand même une musique que j'apprécie moi tout particulièrement, le rap hip-hop. Et je trouve que chaque année, le Nancy Jazz Pulsation a quand même un petit peu le flair pour choisir les artistes rap qui viennent se produire donc à Nancy. Il y a quelques années, j'ai souvenir notamment qu'on avait eu DC's, donc quand même un sacré nom avec un dernier album qui s'appelle L'Amour, qui était formidable. Je crois qu'il y a Prince Wally qui s'est produit aussi l'année dernière ou il y a quelques années, qui sont quand même des gros noms rap. Et cette année, on a donc quand même énormément de chance, parce que déjà moi, il y a l'un de mes gros coups de cœur rap de cette année, le rappeur suisse Mairo, qui a sorti en début d'année un album qui s'appelle La Fièvre, qui est un album fabuleux, que j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est quelque chose de très indépendant, tout est produit par son frère. Et j'ai trouvé que cet album, en termes de technique, on allait sur des sonorités un petit peu nouvelles aussi, hein. Parfois ça tire un peu vers la pop, parfois ça tire vers le jazz, on a un morceau qui est complètement rock aussi. Et donc j'avais beaucoup aimé Mairo et je suis très content de le voir cette année. Il sera là le même soir, il me semble que c'est Jungle Jack qui doit se produire exactement le même soir. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que Oxmo Puccino sera là. Oui. Aussi, il a été annoncé. Oxmo Puccino qui sortira son dernier album, son ultime album. Et donc son dernier album, il passe quand même par Nancy, ce qui est quand même une chance. Je sais pas si vous en écoutez, si vous êtes un peu familier d'Oxmo. Un petit peu, ouais. Mais moi, c'est quand même un nom qui m'a toujours fait un peu rêver de savoir que pour sa clôture, il passe à Nancy. Ça me fait énormément plaisir. Autre grosse soirée, c'est la soirée où va se produire donc Adèle Castillon. Alors, je sais que... Est-ce que vous connaissez un petit peu ou pas du tout, Yves ? Rapidement. Alors, pour tout avouer, avant, je ne connaissais pas. Ouais, et vous en avez écouté un peu. Ben oui, forcément. Et en fait, donc, quand la programmation est sortie, il y a maintenant notamment ces dates-là qui étaient connues avant l'été, en fait. Sûr, c'était les premiers noms annoncés, hein, évidemment. Pas de scoop. Je me suis fait assez souvent interpeller, mais comment tu ne connais pas Adèle Castillon? Mais c'est incroyable que tu ne connaisses pas ça. Donc voilà, je dois avouer, je ne connaissais pas et je suis assez... Je pense que c'est un des concerts où je vais aller découvrir. Bah ouais, parce que autrement c'est... Autrement que sur disque, parce que bon, voilà, il faut le rappeler aussi, ce qui est vraiment bien dans un festival, c'est qu'on voit les artistes sur scène et en espérant d'ailleurs que ça soit différent du disque. C'est une question intéressante. Et de ce qui nous intéresse dans la musique, moi, quand je vais à un concert, il n'y a rien de plus déprimant que de voir le musicien qui récite son disque, et puis en sachant que parfois même, c'est pas un grand secret de dire qu'il y a des choses qui partent directement de la table de mixage et qui ne sont pas produites sur scène. C'est vraiment rageant. Ce qu'on attend, c'est qu'un artiste sur scène, il nous livre autre chose que l'enregistrement. Pierre, un avis là-dessus ? Ah bah je suis d'accord. Je suis évidemment d'accord. C'est les choses un peu trop lisses, un peu trop. Il y a parfois où ça peut être intéressant. Là, si je vais piocher dans mes influences un peu plus extrêmes, je sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle Meshuggah. Oui, et bien sûr. Meshuggah, du coup, je les ai vus il n'y a pas très longtemps pour la première fois en concert, c'était l'année dernière, je crois. Et ce côté très millimétré, là, il ne m'a pas dérangé, mais parce qu'il y a un côté très chirurgical dans leur musique, oui, de toute façon. Mais oui, globalement, je suis assez d'accord avec ça, de découvrir une autre performance, de découvrir quelque chose qui est différent, de garder l'essence, mais surtout d'avoir une place libre à l'interprétation aussi du moment, quoi. Oui, oui. Et puis aussi, ce qui est parfois surprenant, et c'est la différence aussi de physique, en fait, de comportement physique, parce que ce qu'on voit en fait des artistes, si on regarde sur Internet, des choses comme ça, des clips, donc c'est des choses qui sont mises en scène, qui sont travaillées, etc. Tandis que sur scène, là, on peut plus trop tricher, en fait. C'est ça. Voilà, on se retrouve sur scène, on est soi avec ce qu'on est, pas grand chose d'autre, quoi, en fait. Oui, complètement, oui, je suis assez d'accord avec ça. J'ai une question qui va faire un petit peu la synthèse. Alors, j'ai pas précisé, mais Adèle Castillon, c'est le 13 octobre. Il me semble que c'est un lundi soir qu'elle sera là, donc au Nancy Jazz Pulsation pour cette donc 52e édition. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est quand même évidemment le fait que le Nancy Jazz Pulsation célèbre la musique, mais se tourne aussi parfois vers un peu d'autres arts. Et il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le cinéma. Et il me semble que cette année, il y a quand même un bel événement avec un ciné-concert dédié donc à, enfin, qui accompagnera donc Whiplash de Damien Chazelle. Je ne connais pas un peu votre relation à ce film-là et à cet événement-là qui est quand même un événement assez prometteur. Donc, si vous voulez un petit peu en parler. Bah bien, oui, bien sûr, c'est exceptionnel. C'est sûr que on imagine hein, le chapiteau. C'est au chapiteau. Et ça, c'est un écran qui fait la taille de la scène et devant une vingtaine de musiciens, donc parmi les meilleurs musiciens de big band de européens en fait. Hein. C'est un big band suisse. Voilà, donc forcément ça va être un événement. Et puis avec cette tension, bon voilà, on peut pas, on va pas dévoiler le film, etc. Mais bon, en sachant qu'il y a toujours une tension. Quasi en permanence, et puis cette idée de l'apprentissage, comment est-ce qu'on peut apprendre, est-ce que c'est forcément dans la douleur, voilà. Mais il y a tout ce discours sur l'apprentissage, sur la création, si tout doit se faire ou non, avec peine ou non. Ça va être un très bon moment, donc vous évoquiez en off, il y a une vingtaine de musiciens sur scène, il y a de fortes chances que ce soit un moment assez mémorable. Hein. C'est c'est la même soirée que Chili Gonzalez, oui. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, exact. Donc vraiment ne le manquez pas, c'est quand même un bel événement. Puis la musique qui est toujours signée, c'est Justin Hurwitz, j'ai un doute sur le nom du compositeur de Damien Chazelle, mais c'est toujours une musique qui se joue extrêmement bien en festival ou lors de ciné-concerts, hein. C'est quelqu'un qui aime d'ailleurs diriger, il l'a fait à plusieurs reprises, diriger les ciné-concerts sur scène dès qu'il le peut. Pour synthétiser un petit peu tout ce que l'on vient de dire avant de refaire une petite pause musicale, j'aimerais connaître à vous deux quels sont les trois concerts, les trois soirées incontournables selon vous cette année au Nancy Jazz Pulsation. Je ne sais pas qui veut commencer. Je pose une belle colle là. Ou alors on fait un ping-pong. Ouais, ping-pong, c'est une bonne idée. Le ping-pong des concerts, allons-y. Alors, moi, je vais commencer par Théo Crocker. Voilà. Ouais, je pense, je sais pas pourquoi, je subodore que ça vaut le coup d'aller jeter au moins une oreille à ce concert-là, quoi. Trompettiste, une musique vivante, un jazz, bon, qui peut s'écouter assis, ça sera assis à la manufacture, mais quand même aussi qu'on peut écouter debout, en tout cas, qui demande parfois à s'agiter un peu, enfin, à se trémousser, voilà. Théo Crocker pour moi. Et ça sera l'une des dernières soirées. Oui, c'est le 18. Voilà, c'est ça. Comme ça, on peut préciser les dates en même temps. Et il y aura Persuasive, que je ne connais pas le même soir à la manufacture. Pierre, un premier concert. Un premier concert, Didi Bridgewater, du coup, qui moi, je trouvais un des noms les plus dingues de cette affiche. C'est une grande dame, une grande chanteuse, qui a une énergie mais absolument folle sur scène. Ça va être un très, très grand moment. Je pense. Et puis, c'est à l'opéra. Et c'est à l'opéra. Il me semble. Plus, donc, ouais. Au niveau de l'acoustique, je pense qu'il va y avoir une vraie plongée. Ça va être complètement dingue. Ouais. À ne pas louper. Deuxième. On en a déjà parlé, mais donc la soirée, Casse-Product, Les Minanas, Morchiba. Oui. Ouais, ça, je pense que c'est un peu le climax, non? Ouais, du coup, pas mieux. Pour ce tour-là, c'est vrai que moi aussi. Pour ce tour-là, j'avais mentionné aussi. C'est le 14 octobre. le mardi 14 octobre sous le chapiteau de la pépinière. Ouais, c'est ça. Et si vous devez donner, si vous deviez, pardon, donner un dernier concert chacun, je pense que j'ai une petite idée pour Pierre. Ouais, oui, bah, forcément, oui, c'est Imperial Triumphant, Igor et Master Boot Record avec une vraiment un gros highlight sur Imperial Triumphant qui est vraiment un nom qui est absolument exceptionnel dans le paysage musical. Et qui débute la soirée, donc qui tiendra le 15 octobre à l'autre canal, une soirée spéciale métal. Donc voilà, on va vraiment vers tous les genres de musique. Et un dernier, Yves. Bah, la soirée de clôture. La soirée de clôture au chapiteau, donc avec la fanfare Chocarla et Gallo Street Deluxe. Bon, là, ça va être vraiment la fête. Mais il faut se dépêcher parce que je crois qu'il y a vous faites un pont tout trouvé du coup au niveau des places, donc on peut en trouver évidemment je pense sur internet, on peut prendre sa place sur internet, donc n'hésitez pas à vous rendre donc sur internet sur le site du Nancy Jazz Pulsation afin de prendre vos places parce que je crois qu'il en reste plus beaucoup pour certaines des dates, voire je crois même qu'il y a peut-être certaines dates qui doivent être déjà complètes ou pas loin. On y arrive avant, on y arrive, donc la preuve qu'il y a un véritable engouement autour de cette 52e édition qui se tiendra donc début octobre à Nancy. Je vais vous laisser pendant quelques minutes avec un artiste qu'on n'a pas encore cité, c'est Tucan. Donc est-ce que vous voulez faire une petite présentation avant que je laisse nos auditeurs découvrir ? Ah ben pas du tout, parce que pas du tout, parce que bon j'ai écouté, je suis assez sensible à la jeune scène belge et eux en font vraiment partie. Je ne les connaissais pas et encore une fois pour moi ça a été une découverte vraiment. D'accord, ok, très bien. Et ben on va s'écouter ça pendant les prochaines minutes. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission. Il y aura notamment l'agenda local et les recommandations culturelles des invités dans Éclat de Lumière spécial NJP. À tout de suite sur Fadjet. De retour donc sur Fadjet, on est donc ensemble pour encore quelques minutes dans l'émission donc Éclat de Lumière, une émission, je vous le rappelle, qui était spécifiquement dédiée ce mois-ci donc au NJP, au Nancy Jazz Pulsation, qui se tiendra donc du 4 au 18 octobre à Nancy, donc pour une 52e édition. On en a beaucoup parlé donc avec Pierre Saint-Georges et Yves Colombin qui étaient mes invités pour cette émission. Avant d'entamer un petit peu la dernière partie et de parler rapidement de leur coup de cœur, vous savez qu'on aime bien faire un petit peu des recommandations culturelles en tout genre chez Lumière en Art, on va donc évoquer comme d'habitude l'agenda, donc c'est l'heure de l'agenda local, donc de Éclat de Lumière. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Ce mois-ci, dans l'agenda, on a deux petits spectacles desquels j'aimerais vous parler. Le premier, il s'intitule donc La Terre. La Terre, c'est une adaptation donc d'Émile Zola, qui se tiendra donc du 4 au 8 novembre à la Manufacture de Nancy. C'est donc une pièce qui a été mise en scène par Anne Barbeau et dont j'ai trouvé les thématiques particulièrement intéressantes, parce que là, on se trouve, comme Zola, on a un petit peu l'habitude à disséquer un milieu précis, et ce milieu, donc, c'est le milieu agricole. On est donc au cœur un petit peu de la campagne, c'est un sujet qui est quand même assez actuel en 2025, et on se retrouve un petit peu comme ça à suivre des personnages dans ce milieu, à propos notamment donc de l'héritage familial, puisqu'il y a donc une grande fresque familiale qui se déroule sous les yeux du spectateur. C'est quelque chose qui n'est à manquer sous aucun prétexte à Nancy, donc ça se tiendra du 4 au 8 novembre à la Manufacture. Autre événement, c'est un concert donc qui se tiendra à la salle Poirel, qui est donc le concert de la Petite Sirène, d'inspiration donc de alors j'ai un petit peu de mal avec le nom, mais c'est Wojciech Kilar, qui a été auteur de très célèbres partitions pour le cinéma, hein. On en a parlé un petit peu des liens entre cinéma et musique dans le NJP. C'est notamment lui qui est l'auteur de la musique du Dracula de Francis Ford Coppola et du Roi et l'Oiseau de Grimaud. Donc voilà, c'est un concert, là encore, exceptionnel, qui est à manquer, donc là encore sous aucun prétexte, et qui se tiendra à la salle Poirel, et ça sera donc tout début novembre, le premier week-end de novembre. On va poursuivre donc tout de suite avec l'agenda national, hein, puisque vous savez que Lumière a des antennes donc à Paris. Je reglisse ici un petit mot sur l'exposition qui est dédiée donc à Pierre Soulages. Gilles vous en a parlé lors de la dernière émission. N'hésitez pas à y aller, elle vient d'ouvrir et elle sera disponible jusqu'en fin d'année. C'est à Paris, c'est au musée, au Porte de la Villette, pardon. Et enfin, j'avais envie de glisser un petit mot sur l'exposition spéciale au musée Jacques-Marandré, l'exposition qui est dédiée à Georges de la Tour, qui est un nom qu'on connaît quand même très bien à Nancy, et donc qui va avoir droit à sa propre rétrospective inédite jusqu'au 25 janvier, qui regroupe les plus importantes œuvres de l'artiste et qui montre notamment son influence sur la représentation de la lumière et des clairs-obscurs. On en a un très joli d'ailleurs à Nancy au musée, donc surtout ne ratez pas cet événement-là. Donc ça se tient à Paris au musée Jacques-Marandré, ça a ouvert début septembre et c'est disponible jusqu'au 25 janvier. Voilà pour l'agenda donc culturel de Lumière en Art pour ce mois-ci, et on va rentrer dans la dernière partie de notre émission, messieurs. C'est une partie qui est dédiée un petit peu à vos recommandations culturelles. Je le disais, on aime beaucoup recommander des choses chez Lumière. Alors je vais vous poser simplement quelques questions en rapport avec ça. Première question, quel est le dernier livre que vous avez lu, ou alors votre livre de chevet à tous les deux? J'ai lu récemment Well Done de Henry David Thoreau pour la première fois, et c'était absolument incroyable, puisque on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé entre 1870 pardon, et 2025. Il y a des choses qui sont encore bien ancrées dans nos sociétés, et c'est assez visionnaire pour son époque. Ça a été un vrai plaisir de découvrir cette œuvre pour la première fois. Yves? En ce qui me concerne, moi j'aime beaucoup les romans policiers, les polars, et il y a une série qui s'appelle la série Totem des éditions Gallmeister, où là on peut acheter tous les yeux fermés. Mmh. Et donc un des derniers que j'ai lu, c'est un auteur qui s'appelle Marc Haskell. Le titre c'est Delicious, enfin Delicious en français on va dire. Et bon, c'est pas un roman pour les enfants, en fait, pas du tout, parce que ça commence par les deux protagonistes, entre autres, du roman, qui font cuire deux tueurs à gages. Voilà, qui sont un beau programme. Qui sont, ça commence très très fort, et le livre n'arrête pas du début à la fin, voilà. Ça permet de se détendre, en fait. Quand on est un petit peu détendu, lire des choses, enfin, en tout cas, moi, ouais, pour s'y plonger, je suis d'accord. Lire des choses assez horribles, ben, ça permet finalement de se dire, oh, de décompresser un peu, voilà, de relativiser. Voilà. Votre dernier manga, roman graphique ou BD, si vous en avez lu un ou une? Moi, j'ai lu un des derniers trucs que j'ai eu, il y en a eu d'autres, mais qui m'a le plus marqué, L'Héritage Fossile. Oui. Alors, je ne retrouve plus l'auteur du oui, coup. Mais ça ne me vient pas non plus. Une histoire de SF. Philippe Vallette. Philippe Vallette, merci. Qui est juste incroyable, qui est très différent justement de ce qu'il a pu faire auparavant. Avant, on était sur des choses qui étaient très décalées, un peu second degré. Là, on est sur quelque chose qui est très. Très bluffant et sombre. C'est difficile d'en parler sans trop en dire. Mais lisez L'Héritage Fossile, excellent BD. Yves. Alors pour ce qui me concerne, c'est une BD, mais qui est entre la bande dessinée, le roman graphique et puis l'encyclopédie. C'est le deuxième volume de Underground, donc de Arnaud Le Goëfleck et puis de Nicolas Moog. Ça, je ne connais pas. Oui. Bon, alors, il y a deux volumes. Le dernier, donc Nicolas Moog, qui est un dessinateur messin absolument génial, quoi, avec un graphisme extrêmement précis, noir et blanc, toujours très très beau. Et en fait, là, c'est des musiciens qui sont présentés, c'est le concept déjà du premier volume. Et là, c'est des musiciens qui, dans leur style, ont fait bouger les lignes, ou ont dynamité les conventions, etc. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça va de Anne Sylvestre à Catherine Ribeiro, en passant par L'Art Free, qui était un groupe de rock progressif français. Mmh. Qui était une sorte de réponse à Cannes, le mythique groupe de krautrock allemand, etc., etc., quoi. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant et hyper riche. Et c'est un livre, on est obligé de le lire à côté, une plateforme pour aller écouter tout de suite la musique dont il nous parle, parce que à chaque fois, il y a des citations qui sont vraiment, voilà. Vraiment. Le premier tome était déjà très, très bien fait. Et ça, on se dit, c'est des bouquins qu'on devrait avoir dans les cours de musique. Ah oui, complètement. Au lycée ou autre. Ah ouais, voilà, ouais, c'est. Bah, ça, ça permet d'avoir un accès à de l'info musicale et de façon un peu fun avec par le prisme de la BD. Et c'est ultra intéressant et ultra riche. Okay. Ouais, et puis la ligne de dessin hyper précise de Nicolas. Ouais, bien sûr. Ok. Une exposition ou un spectacle vivant que vous êtes allé voir récemment. Si vous n'en avez pas vu, on peut passer à d'autres questions. Non, il y a une excellente exposition à la galerie Lillebonne, donc à la MJC Lillebonne. Voilà, donc c'est Le Fred Touron, d'accord. Donc qui est un dessinateur de presse assez connu, bon, qui travaille notamment au Canard Enchaîné et dans d'autres éditions nationales comme ça. Donc en fait, c'est qui fait une exposition à partir de croquis, en fait. L'idée, d'accord, c'est le croquis avant le dessin. Okay. Bon, voilà, il faut y aller. Et puis, je pense qu'on passe un moment à bien se fendre la poire. D'accord. Pierre ? Moi, j'ai rien vu de particulier récemment. Rien vu de particulier. Et alors, pour terminer cette petite recommandation, est-ce que vous avez vu un film où vous êtes allé au cinéma récemment et quelque chose qui vous a mis une claque ou qui vous a plu ? Au cinéma récemment, non. Mm-hmm. Mais par contre, il y a un film que je recommande à voir, c'est un film de Kusturica qui s'appelle La vie est un miracle. Oui. Donc, c'est un film qu'il a de 2004. Et c'est absolument excellent parce que c'est Roméo et Juliette, mais revu à la sauce yougoslave-serbe. Et donc, il y a un ingénieur, donc des chemins de fer, qui installe dans un endroit perdu de Serbie une voie de chemin de fer, qui va tomber amoureux d'une otage bosniaque. Enfin bon, voilà, c'est à la fois très très grand guignol, très opéra. Bon voilà, et puis ce chef de gare là, c'est un indécrottable optimiste. C'est-à-dire que pour lui, bon voilà, la vie de toute façon est un miracle. Et ça fait pareil, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'allais dire. Voilà. Ouais, c'est le genre puis, de bon, chose bah, qui fait avec du bien. La musique de Bregovic, bien entendu, donc avec la fanfare, en veux-tu, en voilà. C'est le genre de chose qui fait du bien. Pierre, ouais, je vais être beaucoup moins, pas cérébral, mais beaucoup moins recherché. Il y a pas très longtemps, l'envie de pas réfléchir, j'ai regardé Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger. Oui. Et, ben voilà. Et la vérité. Voilà quelque chose qu'il faut. Très bien. La vérité, là où je m'attendais justement à quelque chose de complètement insipide, peut-être. Insipide, voilà quelque chose. En vrai, il y a un vrai discours sur la. effectivement, qu'est-ce qui se passerait si un personnage de fiction se retrouvait confronté à son lui réel. Et il y a deux, trois moments, deux, trois répliques de génie quand même, de prise de conscience du personnage de fiction face à la réalité. Et c'est, j'ai trouvé ça bien plus intéressant que ce que ça, j'en avais dans mes souvenirs. Donc, relaisser une chance à Last Action Hero, c'était, je trouve que c'est un très joli mot de la fin pour terminer cette émission en beauté. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pendant une heure pour évoquer donc, la musique et pour évoquer le Nancy Jazz Pulsation. Merci Pierre. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Yves. Et puis on se retrouve donc le mois prochain. On parlera peut-être plutôt cinéma sur Fadjet dans l'émission Éclat de Lumière donc, du mois de novembre. Je vous en dis plus très bientôt. On va se laisser avec un dernier morceau. C'est Crève-Cœur d'Adèle Castillon. Pour terminer en beauté et en joie cette émission que vous pourrez donc voir au NJP. Je rappelle, le Nancy Jazz Pulsation se tiendra du 4 au 18 octobre à Nancy dans divers lieux, que ce soit à la Pépinière, à l'Opéra, à la Salle Poirel ou encore donc à l'autre canal. Donc n'hésitez pas à y aller, aller sur leur site. Pour notre part, on se retrouve très bientôt donc pour Éclat de Lumière. C'était l'émission d'octobre spéciale NJP. Au revoir. Au revoir. Si tu te sens fragile, débordé, anormal, si tu sens tes wow.